production de l'artiste. C'est la panique sur le périphérique. Je vois des jeunes, ils se font contrôler par Eric. J'aurais pas percé, j'aurais fait Uber Eats. Je reste là, je bouge pas malgré les périples. C'est terrible quand on vient qu'on brise tous tes rêves. J'étais pas bien, je suis guéri. Moi la pente, je l'ai monté raide. Shit coco, ça vend tout dans le bloc. Les petits ont grandi, ils sont tous locaux. Moi y'a que la peu dans le popo. Popo, popo, popo, popo. Chaque album, moi je les soulève. Ce qui aimerait ma chute, c'est les parasites. Tout le temps, ils regardent mal mes collègues. Après, ils diront qu'ils sont parasites. Ça veut la Rolex, rouler avec d'un Jex. Quand t'as besoin d'ex, fais pas d'action aux vex. Ça veut la GS, poser à côté de la RS. Nique les promesses, moi je progresse. S, Juju Julie vient d'en bas. Fais pas trop le mec qui veut commander. Tout ce que vous dites, il entend pas. Les gars, s'il veut, il vous fait le commando. C'est l'avenir de l'usine, cousine. À quoi dans la cuisine, j'assille. Je maîtrise le flow, mais facile. Chante, on va te mettre la tête à la bassine. J'espère moi, non. Change pas mes codes. Ceux qui font les putes, c'est pas moi qui change mes potes. Tout ce qu'il faut dans la loge, tout ce qu'il faut dans la poche. Et arrête de parler de moi, si tu veux pas qu'on t'amoche. J'écris, je lâche pas pour ma team. C'est eux qui me surnomment la machine. Ils se la pètent, je suis là, je me la pharmacie. Si le rap c'est une drogue, tu la pharmacie. Je rafale, je vais vite à 4-4-7. Lunettes de vue dans la 4-5. Je les froisse tous qui viennent à 400. Elle est belle, même si elle a gros cul, qu'elle a pas de sein. Là dans la soirée, je vais faire 400. Petite équipe, tu sais qu'il y a pas de sec. Arrête de nous faire le mauvais garçon. Tu cadres la bouche en direct, tu fumes mes 4 sèches. Trop de bonbons sur net, on me dit j'ai un bon, t'as la tête sur les épaules. Elle m'envoie des photos à Paul, elle veut que j'y fasse un film de boule. Ils ont l'assiette pleine de caviar, ils viennent y mettre le nez dans mon bol. Sur PP, le prochain qui me trahit, je vais m'énerver contre Dragon Ball. Chance en goût dans la cabine, j'ai plein d'histoires dans la caboche. Tout l'on va le tester, c'est un gentil. Ben vas-y, tente, approche. Style, c'était des bombes, ils ont merdé. Moi et le rap, c'est fusionnel. Je vois loin, je suis visionnaire. Matrix est dans le vaisseau mère. Je me montre pas, moi je suis camouflé. Je mets la casquette, je mets le Gertrude. Tu vois pas que tu es dans le gouffre. Et toi, tu es là, tu me dis, je gère le truc. Je reste frais, moi. Non, change pas mes codes. Ceux qui font les putes, pas moi qui change mes potes. Tout ce qu'il faut dans la loge, tout ce qu'il faut dans la poche. Et arrête de parler de moi. Si tu veux pas qu'on t'amoche, je reste frais, moi. Non, change pas mes codes. Ceux qui font les putes, c'est pas moi qui change mes potes. Tout ce qu'il faut dans la loge, tout ce qu'il faut dans la poche.